إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue ce soir la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 20e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Chapitre sur ce qui est rapporté au sujet de la menace à l'encontre de celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme vertueux. Ensuite, il dit, rahimahullah, alors que dire de l'adorer? C'est-à-dire d'adorer cet homme vertueux qui est enterré. Donc, on a vu dans le cours d'hier la mise en garde contre le fait d'exagérer à l'égard des vertueux, car ceci est la cause de la mécréance des enfants d'Adam et de leur délaissement de leur religion. Après cela, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a voulu insister sur une des formes d'exagération à leur égard, qui est l'exagération à l'égard de leur tombe. Il va donc nous rapporter 4 hadiths nous démontrant la menace sévère et la gravité du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de la tombe d'un homme vertueux. Comme le fait par exemple de se rendre auprès d'une tombe pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'invoquer en cet endroit est une cause pour être exaucé. Ou alors, de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une tombe, en pensant que la prière en cet endroit est acceptée. Et ainsi de suite avec les autres adorations, que ce soit le sacrifice, le vœu ou autre que cela. Si celui qui pratique une quelconque adoration à proximité d'une tombe, en vouant cette adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il l'accomplit en cet endroit en espérant que cette adoration soit acceptée et en ayant la conviction que l'adoration en cet endroit auprès de cette tombe se distingue de l'adoration accomplie en d'autres endroits, alors ceci est interdit car cela est basé sur une croyance corrompue et car les tombes ne sont pas un lieu où il est légiféré de vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, même si l'adoration et vouer sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car adorer Allah subhanahu wa ta'ala en cet endroit est une cause menant au shirk, menant au polythéisme majeur et à l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il se peut qu'avec le temps, les gens se mettent alors à adorer ce mort qui est enterré, à lui vouer ses adorations au lieu de les vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le font ceux qui invoquent les morts, ceux qui implorent leur secours, ce qui leur voue le sacrifice et le vœu, et tout ceci relève du polythéisme majeur. Quant à celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant sincèrement son adoration, mais qu'il le fait auprès d'une tombe, d'un homme vertueux, en pensant que cet endroit se distingue d'un autre endroit et qu'il a ainsi plus de possibilités de voir son adoration acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est interdit, car c'est une voie menant au polythéisme. Donc le cheikh il nous dit, si le simple fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une tombe est interdit, alors que dire d'adorer l'habitant de cette tombe? Il n'y a pas de doute que ceci est un plus grave péché car cela relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dans ce chapitre, il nous a donc mentionné 4 hadiths nous démontrant qu'il est interdit de vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes des gens vertueux. Il a commencé par un premier hadith et il dit, est dans l'authentique, c'est-à-dire ici dans les authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, c'est-à-dire la mère des croyants, l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle rapporte que Salama, radiyallahu ta'ala anha, a mentionné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une église qu'elle avait vue en Abyssinie, et ce qu'elle comportait comme image. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, cela, lorsqu'un homme vertueux ou un serviteur vertueux meurt parmi eux, Il bâtit sur sa tombe un lieu de prière, un masjid, et il façonne ses images. Ceux-là sont les pires de la création auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Salama, c'est aussi une des mères des croyants. Son nom était Hind, fille de Abi Umayya. Elle était mariée à Abu Salama, et elle a fait avec lui les deux hijras. La première émigration vers l'Abyssinie, puis la deuxième émigration vers Médine. Et son époux Abu Salama est mort à Médine, radiyallahu ta'ala anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a alors épousée, et elle est ainsi devenue une des mères des croyants. Elle a donc rapporté au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'elle avait vu en Abyssinie, lorsqu'elle se trouvait là-bas, après son émigration à cette terre, lors de la première hijra. Elle a donc vu une église, l'église qui est le lieu de culte des chrétiens, dans lequel ils se réunissent le dimanche pour accomplir leurs adorations. Et elle a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que cette église comportait comme image, c'est-à-dire comme représentation de gens vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc que cela, c'est-à-dire les chrétiens, lorsqu'un homme vertueux ou un serviteur vertueux meurt parmi eux. Et ici, c'est un doute du rapporteur du hadith. Il ne sait pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme vertueux ou un serviteur vertueux. Et cela nous montre leur prudence et leur précision dans la transmission des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il n'a pas affirmé l'un de ces deux mots, alors que le sens est relativement proche. Il dit donc sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'un homme ou un serviteur vertueux meurt parmi eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent sur sa tombe un masjid. Et ce qui est visé par le masjid ici, c'est le lieu de prière, le lieu de culte, le lieu où on accomplit des adorations. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'un homme vertueux parmi eux mourait? Ils construisaient sur sa tombe une église. Puis, ils façonnaient ses images, c'est-à-dire qu'ils façonnaient des statues ou autres à l'image de ces serviteurs vertueux qui mouraient. Et ceci entre dans l'exagération à l'égard des vertueux, car ils veulent par cela faire perpétuer leur mémoire et les vénérer. Et ceci est interdit dans la religion de l'islam, car cela est une cause menant au polythéisme. Et cela est d'autant plus interdit si cela est fait dans les lieux de culte, dans les lieux d'adoration, comme les masajid, les mosquées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, ceux-là sont les pires de la création auprès d'Allah. On voit donc à travers ce hadith que le fait de bâtir des lieux de culte, des lieux d'adoration au-dessus des tombes, ainsi que de façonner des images et de les ériger, comme des statues ou des cadres à l'image de personnes mortes parmi les vertus. Ceux qui font cela, ils font partie des pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en faisant cela, ils ont commis un très grave péché, car ils ont ouvert la porte au polythéisme par cela. Et ils sont ainsi la cause de la déviation d'une partie de la communauté. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, le shirk, le polythéisme, n'est apparu chez les hommes qu'en raison de ces formes d'exagération à l'égard des vertueux. Et il n'est apparu au sein de la communauté de l'islam qu'en raison de ces constructions au-dessus des tombes. Et les premiers à avoir construit au-dessus des tombes, comme l'a mentionné Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, parmi les gens se réclamant de l'islam, ce sont les chiites Fatimites. Ce sont eux les premiers à avoir bâti ces constructions, ces mausolées au-dessus des tombes. Puis ensuite, ils ont été suivis et imités en cela par nombre de personnes se réclamant du sunnisme, et notamment par nombre de gens parmi les confréries soufis et autres qui ont pris cette mauvaise habitude qui fait partie de la voie et des traditions des gens du livre, qui est de construire des lieux de culte au-dessus des tombes. Et c'est ainsi que le shirk, le polythéisme, est apparu au sein de la communauté de l'islam. Car ces mosquées qui sont bâties au-dessus des tombes, elles sont devenues des idoles adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui les ont bâties et ceux qui s'y rendent, ils pensent que ce qu'ils font fait partie de la religion de l'islam. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe dans ce hadith qu'ils sont en réalité les pires des créatures, même s'ils prétendent être sur le bien et la piété. Même s'ils prétendent que ce qu'ils font est un moyen de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci ne leur est d'aucune utilité, car ils ont commis ce grave péché et ce grave interdit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une parole qui est en réalité une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et il a dit cela, on réunit entre deux fitna, c'est-à-dire entre deux calamités, entre deux tentations. La tentation des tombes et la tentation des représentations. La tentation des tombes, c'est-à-dire en exagérant à leur égard, en les vénérant, au point d'en faire des lieux de culte. Et il n'y a pas de doute que ceci est une tentation immense et une grande calamité qui a touché les communautés qui nous ont précédés et qui touche également cette communauté. Et la deuxième tentation, c'est la tentation des représentations, qui est aussi une grande calamité qui a touché, comme on l'a vu dans le cours d'hier, le peuple de Nuh, alayhi salam. Et tout ceci sont des causes menant au polythéisme qui sont interdites dans la religion de l'islam. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième hadith et l'a dit. Et il rapporte aussi, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, d'après elle, c'est-à-dire d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qu'elle a dit. Lorsqu'est venue la mort au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à l'approche de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il se mit à poser un vêtement sur son visage, c'est-à-dire pour le couvrir. Et lorsqu'il le gênait, lorsque ce tissu, ce vêtement le gênait, il le découvrait, et ce afin de pouvoir respirer. Et alors qu'il était dans cet état, il disait que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme masajid, c'est-à-dire comme lieu de prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la maladie de sa mort, dans cette situation très difficile, il n'a pas délaissé l'appel au tawhid et il n'a pas délaissé la condamnation du shirk et le bon conseil pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'on médite sur cela, on se rend compte qu'il a prononcé cette parole à un moment très propice en réalité. Car il a ressenti, sallallahu alayhi wa sallam, que sa mort approchait. Il craignait donc que sa communauté fasse auprès de sa tombe ce qu'ont fait les communautés précédentes auprès des tombes des prophètes et des vertueux. Il a donc saisi ce moment pour avertir sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, les mettre en garde contre le shirk afin qu'ils ne tombent pas dans cette calamité dans laquelle sont tombées les communautés qui nous ont précédés. Et ceci nous prouve que la mise en garde contre le shirk, contre le polythéisme, est une chose obligatoire. Et que c'est une obligation pour tout prédicateur de donner une grande importance à la mise en garde contre le polythéisme. Avant même la mise en garde contre toute chose. Avant d'encourager les gens à la prière, à l'aumône, au jeûne, au pèlerinage, à la bonté envers les parents, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Et avant de les mettre en garde contre les péchés, contre l'usure, contre la consommation de la drogue, de l'alcool, contre la fornication, l'adultère, et ainsi de suite, il est primordial de commencer par les mettre en garde contre le shirk, leur interdire le polythéisme. D'autant plus si le polythéisme est présent autour d'eux et qu'il est commis, il n'est pas permis de se taire à ce sujet. Et le fait de se taire au sujet du polythéisme, de ne pas mettre en garde contre le shirk, comme le font nombre de personnes se mettant en avant dans la prédication, ayant pour souci de réunir un maximum de personnes autour d'eux, ils évitent donc certains sujets qu'ils trouvent épineux, et notamment la question du shirk et de l'exagération au sujet des tombes. Le fait de ne pas mettre en garde contre cela, ceci est une tromperie envers la communauté. Il est obligatoire que le prêche commence par l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk avant toute chose. Car si la croyance est bonne, que la croyance est rectifiée, alors l'ensemble des œuvres après celle-ci seront bonnes, inshallah ta'ala. Mais si la croyance de la personne est corrompue, qu'elle commet du shirk akbar, du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, alors toutes les œuvres qu'elle peut accomplir après cela ne lui seront d'aucune utilité. Imaginons qu'une personne délaisse al-riba, l'intérêt usuraire. Qu'elle fasse beaucoup d'aumônes avec son argent, qu'elle accomplisse toutes ses prières obligatoires, et qu'elle passe ses nuits à prier, qu'elle jeûne de manière régulière la journée, qu'elle accomplisse de multiples pèlerinages et de multiples umrah, mais qu'en parallèle de cela, elle commet du shirk akbar, commet du polythéisme majeur. Alors toutes ces œuvres qu'elle a accomplies, elles seront réduites en poussière éparpillée. Elles ne lui seront d'aucune utilité, car seule l'œuvre du croyant monothéiste est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant monothéiste, même s'il commet certains péchés, qui sont moindres que le shirk, alors on espère pour lui le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'il se fasse châtier à hauteur de ses péchés, mais il ne restera pas éternellement en enfer à partir du moment où c'est un croyant monothéiste. Il entrera obligatoirement au paradis en raison de sa foi et de son tawhid, même s'il était faible, même s'il a commis certains péchés dans ce bas monde. À partir du moment où il est resté ferme sur le tawhid, qu'il n'a pas commis de shirk akbar, il entrera au paradis, inshallah ta'ala. Mais celui qui commet du shirk akbar, même si ses œuvres de bien sont nombreuses et qu'il délaisse l'ensemble des autres péchés, ceci ne lui est d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous démontre donc l'importance de l'appel au tawhid et l'importance de la mise en garde contre le shirk qui, comme on l'a dit dans des cours précédents, est la base de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, la base dans la da'wah. Car c'est par cela qu'ont commencé l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimu salatu wa salam, et ceux du premier jusqu'au dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa salam, donc alors qu'il est dans cette situation, il met en garde sa communauté contre le shirk. Et il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. La malédiction, comme on l'a vu dans un cours précédent, c'est le fait d'être éloigné, privé, exclu de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Quelle est la cause de cette malédiction? Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière, comme lieu d'adoration, comme lieu pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme lieu pour vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en pensant que l'adoration auprès des tombes est plus méritoire que l'adoration accomplie en d'autres endroits. C'est donc pour cela que le shir rahimahullah ta'ala nous a mentionné ce hadith dans ce chapitre, car il nous démontre très clairement l'interdiction d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes des gens vertueux. Ensuite, Aïcha radiallahu ta'ala anha nous dit, ils mettaient en garde contre ce qu'ils ont commis. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela afin de mettre en garde sa communauté contre ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens, afin que les gens ne fassent pas auprès de sa tombe ce que les juifs et les chrétiens faisaient auprès des tombes de leurs prophètes. Et ceci nous montre une fois de plus le danger de s'assimiler aux polythéistes et aux mécréants, car ceci peut mener à leur ressembler dans leurs adorations et à tomber ainsi dans l'égarement et la mécréance ou al-iyadu billah. Ensuite, elle dit, radiyallahu ta'ala anha, et si ce n'était cela, sa tombe aurait été apparente, c'est-à-dire si ce n'était la crainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens fassent auprès de sa tombe ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens auprès des tombes de leurs prophètes et des gens vertueux. Sa tombe aurait été apparente, c'est-à-dire qu'il aurait été enterré dans un endroit où les gens auraient vu sa tombe. Mais il a craint que sa tombe soit prise pour lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc mis en garde contre cela avant sa mort, afin que sa tombe ne soit pas prise comme lieu de prière. Et c'est pour cela qu'il a été enterré dans l'appartement de Aïcha radiallahu ta'ala anha, entre ses murs et sous son toit, et ce afin qu'il ne soit à la vue de personne. Ceci est donc la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison, et qu'il n'a pas été enterré au cimetière d'Al-Baqir avec ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. Et certaines personnes pourraient dire, comme le disent nombre de personnes parmi les gens de l'égarement, que la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est construite sur sa tombe. Et ils prennent cela pour argument pour construire des mosquées sur les tombes des gens vertueux comme ils le prétendent. La réponse à cette ambiguïté est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il n'a pas été enterré dans sa mosquée, mais il a été enterré dans sa maison sallallahu alayhi wa sallam, qui était à l'extérieur de la mosquée. Et la sagesse en cela est ce qu'a évoqué la mère des croyants Aïcha radiallahu ta'ala anha, et qu'il a craint que sa tombe soit prise comme lieu de prière. Sa maison était donc séparée de la mosquée, et elle n'a été jointe à la mosquée qu'après le règne des califes bien guidés, et ce à l'époque d'Al-Walid ibn Abdel Malik. Il a voulu agrandir la mosquée, et l'extension de la mosquée a ainsi inclus l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas consulté les gens de science en cela. Il a fait cela sans consulter les gens de science de son époque. Et malgré cela, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam est restée telle qu'elle était. Et la mosquée en est toujours séparée, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux murs qui séparent l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée à Médine. Et ce qui est commis par certaines personnes parmi les ignorants dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui s'orientent en direction de sa tombe pour invoquer, alors ceci n'a pas lieu auprès de sa tombe en réalité, car la tombe est éloignée d'eux. Ils ne peuvent pas s'en approcher, ils ne la voient même pas. En effet, lorsqu'on se rend à Médine, on ne voit même pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas s'en approcher. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra dans le prochain chapitre, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin que sa tombe ne soit pas une idole adorée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation et a préservé sa maison afin que les gens ne puissent pas s'approcher de sa tombe et ainsi l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ces deux premiers hadiths des bénéfices immenses, et notamment l'interdiction de la construction au-dessus des tombes. Car c'est un moyen menant au shirk et à prendre ses morts et ses tombes et ses mausolées pour associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car s'il y a une construction qui est faite sur la tombe, les gens de la masse parmi les ignorants et autres sont alors tentés par celle-ci. Ils pensent que cette construction n'a été bâtie qu'en raison du fait que cet endroit se distingue des autres et qu'il est propice à l'adoration, à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la situation de nombre de personnes d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en islam, ce qui est légiféré au sujet des tombes, c'est que le mort soit enterré avec les morts musulmans dans un cimetière, et qu'il soit recouvert de la terre qui est sortie de la fosse que l'on a creusée pour l'enterrer, et que l'on n'ajoute rien à cela. On élève seulement sa tombe de la taille d'un empan afin que l'on sache qu'il y a une tombe à cet endroit, mais on ne place aucune construction, ni rien d'autre que cela. Et c'est ainsi qu'était la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tombes de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième bénéfice immense que l'on tire de ces hadiths, c'est la preuve de l'interdiction de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes, même s'il n'y a aucune construction sur celle-ci. Il n'est pas permis de se rendre auprès des tombes, ni pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ni pour accomplir des prières, ni pour accomplir des sacrifices, ni pour accomplir des vœux, ni rien d'autre que cela parmi les différentes formes d'adoration. Mais ce qui est légiféré en islam, c'est que les tombes sont visitées seulement pour trois raisons. Premièrement, pour adresser le salam aux morts, pour adresser les salutations, en prononçant l'invocation légiférée en entrant dans le cimetière. Deuxièmement, pour invoquer en leur faveur, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les pardonne et leur fasse miséricorde. Et troisièmement, afin de se rappeler de la mort. Car en visitant les tombes, tu te rappelles que toi aussi un jour tu seras enterré, et ceci adoucit ton cœur et te rappelle la mort et te permet par la suite d'être moins distrait et moins insouciant quant à l'au-delà. Ceci sont les raisons légiférées de visiter les tombes en islam. Et on ne se rend pas auprès d'elles en pensant qu'il y a un mérite à adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de celle-ci. Et on ne se rend pas auprès d'elles non plus pour les adorer ou leur vouer différentes formes d'adoration qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le troisième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est que ceux qui construisent sur les tombes et se rendent auprès de celles-ci pour vouer le culte et pour pratiquer différentes sortes d'adoration, ceux-là sont les pires des créatures. Et ce, car leur péché est plus grave que tout péché. C'est-à-dire que le voleur, celui qui consomme de l'alcool, celui qui pratique l'intérêt usuraire, malgré que leurs péchés soient des grands péchés, il est moins grave que le fait de construire des édifices au-dessus des tombes. Car construire des édifices au-dessus des tombes, cela est une forme d'exagération à l'égard des vertueux qui mène au polythéisme qui est le plus grave des péchés. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième hadith. Il dit, Muslim rapporte de Jundub ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 avant qu'il meure. Il se peut que cela soit 5 jours, ou 5 mois, ou 5 années. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, je me désavoue auprès d'Allah du fait d'avoir parmi vous un Khalil. Un Khalil, c'est-à-dire un bien-aimé. Car el-Khulla, en arabe, c'est le plus haut degré de l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, je me désavoue auprès d'Allah d'avoir parmi vous un Khalil. Pourquoi il dit cela? Il dit, car Allah m'a pris pour Khalil, de la même manière qu'il a pris Ibrahim pour Khalil. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi ses serviteurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim pour Khalil. Il n'a accordé al-Khulla, qui comme on a dit est le plus haut degré de l'amour, qu'à Muhammad et Ibrahim, alayhim as-salatu wa salam. Quant aux autres de ses prophètes et ses messagers, ainsi que ses serviteurs pieux, alors il leur a accordé son amour, subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les prophètes, il aime ses messagers, il aime ses serviteurs vertueux, il aime les bienfaisants, il aime ceux qui font le bien, il aime ceux qui se purifient, il aime ceux qui se repentent. Mais al-Khulla, qui est le plus haut degré de l'amour, il ne l'a accordé qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à Ibrahim alayhi salam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pour cette raison, il n'a pas pris de Khalil, de bien-aimé, parmi ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et on voit à travers cela la confirmation que al-mahabba, l'amour, est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, mais si j'avais pris parmi ma communauté un Khalil, c'est-à-dire à supposer qu'il m'aurait été permis de prendre parmi vous un Khalil, un bien-aimé, alors j'aurais choisi Abu Bakr comme Khalil. On voit à travers cela le mérite de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qui était parmi les hommes le plus aimé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr est sa kunya. Et son nom était Abdullah, fils de Uthman. Il a été surnommé As-Siddiq, le véridique, en raison de sa grande véracité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'avec son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et avec les serviteurs d'Allah. C'était un grand véridique, c'est pour cela que ce surnom lui a été donné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans ce hadith que s'il avait choisi parmi sa communauté un Khalil, un bien-aimé, il aurait choisi Abu Bakr. Et les savants ont dit que ceci est une indication afin qu'Abu Bakr lui succède après lui. Et ce car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole à la fin de sa vie. Il avait même désigné Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu lors de la maladie qui a précédé sa mort pour diriger la prière. Et lorsqu'on lui a suggéré que Omar dirige la prière, il a refusé et s'est mis en colère sallallahu alayhi wa sallam. Et il a ordonné que ce soit Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qui dirige la prière aux musulmans. Et tout ceci afin d'indiquer à sa communauté qu'Abu Bakr était le plus digne à lui succéder. Et ceci est une réfutation de la secte des Rawafid, qui déteste Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qui le dénigre, et qui dénigre son califat ainsi que le califat de Omar et de Uthman, et qui prétendent que le califat aurait dû revenir à Ali, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum auraient été injustes envers lui, wal'iyadu billah. Ce hadith est une preuve les réfutant. Et Ali radiyallahu ta'ala anhum, c'est le quatrième calife de l'islam, et ce à l'unanimité des musulmans. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit après cela, certes, ceux qui vous ont précédés, prenez les tombes comme lieu de prière. Alors, ne prenez pas les tombes comme lieu de prière, car je vous interdis cela. Ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, ils prenaient les tombes comme lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit cela, il a dit, ne prenez pas les tombes comme lieu de prière. Et il ne s'est pas contenté de cela, il a rajouté, car je vous interdis certes cela, afin de confirmer et d'insister sur l'interdiction. Et le fait de prendre les tombes pour lieu de prière, cela désigne deux choses. La première, et c'est celle qui est visée par ce hadith, c'est de choisir ces lieux, de choisir les tombes, pour accomplir des prières, pour vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième sens, c'est le fait de construire des mosquées au-dessus des tombes, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens, et comme cela est commis par certaines personnes se réclamant de la religion de l'islam. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a encore mentionné une parole qui est une parole de shir l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et il a dit, il a donc interdit cela à la fin de sa vie, puis il a maudit, alors qu'il était en train de mourir, celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui prend les tombes comme lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela avant de mourir, à la fin de sa vie, et alors qu'il était en train de mourir, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha, il a maudit ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière. Et la prière auprès des tombes entre dans cela, même si une mosquée n'y est pas construite. Et c'est le sens de sa parole, c'est-à-dire la parole de Aïcha radiallahu ta'ala anha, il a craint qu'elle soit prise pour masjid, pour lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait que sa tombe soit prise pour lieu de prière. Ensuite, Cheikh l'Islam, il dit, car les compagnons n'allaient pas construire autour de sa tombe une mosquée. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils n'allaient pas faire cela. Personne parmi les musulmans des premiers siècles de l'islam n'allait faire cela. On comprend donc que ce qui est visé par l'interdiction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du fait de prendre les tombes pour masajid, pour mosquée, c'est le fait de prier auprès de celle-ci, en pensant que la prière auprès de la tombe se distingue de la prière accomplie en un autre endroit, et que l'invocation auprès de la tombe est plus propice à être exaucée, car tout cela sont des causes menant au polythéisme. Ensuite, il clarifie cela, et il dit, et tout endroit dans lequel on fait la prière a été pris comme masjid. C'est-à-dire, il a été pris comme lieu de prière, même s'il n'y a pas de mosquée qui est construite. Et il dit, et même, tout endroit dans lequel on prie est appelé masjid. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a fait pour moi de la terre un lieu de prière, un masjid et un moyen de purification. C'est-à-dire que toute la terre est un endroit où on peut prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit que toute la terre est un masjid, c'est-à-dire un lieu de prière. Et c'est ce qui est visé par le mot masjid dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il met en garde de prendre les tombes pour masajid, c'est-à-dire de prendre les tombes pour lieu de prière. Il a donc interdit, sallallahu alayhi wa sallam, d'ériger des constructions au-dessus des tombes, mais il a également interdit de prier auprès des tombes ou de vouer une quelconque adoration à Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes. Tout ceci entre dans l'interdiction mentionnée dans ces hadiths. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un quatrième hadith et il a dit, et Ahmed, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, rapporte d'une bonne chaîne de transmission d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui attribue la parole suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes font partie des pires des gens, ceux qui seront vivants au moment de l'heure, c'est-à-dire lorsque l'on soufflera dans la trompe. Ceux qui seront vivants seront les pires des gens, car les croyants mourront avant cela. Et il ne restera au moment de l'heure, au moment où on soufflera dans la trompe, que les pires des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, certes les pires des gens sont ceux qui seront vivants au moment de l'heure, et ceux qui prennent les tombes comme masajid, ceux qui prennent les tombes, comme on vient de l'expliquer, comme lieu de prière. Et il dit que ceci est rapporté par Abu Hatim dans son recueil authentique. On voit donc à travers ce hadith une preuve très claire de l'interdiction de prendre les tombes comme lieu de prière, et d'autant plus l'interdiction de construire des mosquées au-dessus des tombes. Car, comme on l'a dit, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam est générale et elle englobe ces deux choses. L'interdiction de construire des mosquées au-dessus des tombes et l'interdiction de faire des tombes des lieux de culte en se rendant auprès de celles-ci pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala même s'il n'y a aucune construction. Car tout lieu où tu accomplis la prière est considéré comme un masjid. Même si tu pries au milieu du désert et que tu prends l'habitude de prier dans un endroit, alors c'est comme si tu avais pris cet endroit pour masjid, c'est-à-dire pour lieu de prière. S'il y a un endroit dans ta maison où tu accomplis la prière régulièrement, alors tu as pris cet endroit pour masjid, c'est-à-dire tu as pris cet endroit pour lieu de prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prendre les tombes pour masajid, de prendre les tombes pour lieu de prière, que ce soit en construisant une mosquée sur celle-ci, ou que ce soit simplement en se rendant auprès d'elle pour vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci dans le but de couper court à toute voie et tout moyen menant au shirk, au polythéisme, à l'adoration d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, il nous démontre également que la prière auprès des tombes, elle est invalide. Et rentre dans cela la prière dans les mosquées qui sont construites sur les tombes. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Et l'interdiction implique nécessairement l'invalidité de la prière. Donc celui qui prie auprès d'une tombe ou dans une mosquée qui a été construite sur une tombe, alors sa prière n'est pas valide. Si c'était une prière obligatoire, il lui incombe de la recommencer. Par exemple, une personne ne sait pas, elle entre dans une mosquée pour prier, et après la prière, elle se rend compte qu'il y a une tombe dans cette mosquée. Elle se renseigne et on lui dit que la mosquée a été construite sur cette tombe. Dans ce cas-là, sa prière est invalide et lui incombe de la recommencer. Et pour terminer ce hadith, il nous prouve, comme on l'a vu dans le premier hadith, que ceux qui prennent les tombes pour lieu de prière sont les pires des créatures et les pires des gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils fassent partie des juifs ou des chrétiens, ou qu'ils fassent partie des gens qui se réclament de l'islam et s'affilient à cette religion. Il n'y a pas pire qu'eux, car ils commettent une chose menant au plus grave des péchés, qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé avec ce chapitre, et on verra dans le cours de demain le chapitre suivant, qui est très proche de celui-ci, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous démontre que l'exagération au sujet des tombes des vertueux revient à les transformer en idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.